tani ne aveuglé par ta beauté à toi je suis condamné et t'imagines même pas tous les sacrifices que je suis prêt à faire pour toi traverser vents et mers me mettre à dos toute la terre tout ça ne m'effraie pas serre-toi contre moi et je serai ton roi mais serre-toi contre moi dis-moi ce que tu Juste un moment pour s'aimer et s'abandonner. Je donnerai tout pour toi, comblerai toutes tes envies. Tu me rends fou de joie, je m'enflamme quand vient la nuit. Et si tu étais une princesse, tu serais ma jasmine. La vision de tes courts batailles, je sens monter la folie. Serre-toi contre moi, oui je serai ton roi, mais serre-toi contre moi, dis-moi ce que tu vois. Juste un moment dans tes bras, j'apprendrai à te combler, juste un moment pour toi et moi, je saurai te consoler, juste un moment s'oublier et s'évader. Everybody.